Salut Fred, Jean-Yves, je viens d'écouter l'émission de Victor Hugo. Mon auteur préféré relie souvent ce roman, plus particulièrement Les Travailleurs de la Mer. C'est pas que le nom d'une guerre, mais aussi un super roman d'aventure, une histoire d'amour qui se passe dans ma région, dans le Cotentin, à Guernsey. Voilà, merci encore pour votre émission, à bientôt. Salut Fred, c'est Romain, le Nantais de Nancy. Encore merci pour ton émission, et puis vraiment, je pense que c'est la seule émission là pour sur la route des vacances. Je vais pouvoir faire écouter à mes enfants une émission sur Tekken, sur Predator, sur les chansons un peu ringardes des années 80, tout en disant après à ma femme, t'inquiète pas chérie, l'émission d'après va parler de Victor Hugo. Quand j'ai vu le thème de l'émission d'hier, Victor Hugo, je me suis imaginé certains auditeurs de France Inter. Ah, enfin, ils ont mis au pas cette tuluberlu de Sigrid. Enfin, un sujet culturel. Puis j'ai imaginé leur tête quand ils se sont rendus compte qu'en fait, Victor Hugo, ben, c'était et ça restera toujours une pop star. Et j'ai ri. Mais j'ai ri. Yes, Frédéric, c'est Marco from Montpel. Juste pour te poser une devinette. Mon premier est un assassin, mon second est un assassin, mon troisième ne rit pas jeune et mon quatrième n'est pas rapide. Mon tout est un célèbre auteur français. C'est Victor Hugo, parce que Vic tu ailles, le tortue, urinoir et goéland. To be or not to be, not to be. Vous connaissez Breaking Bad ? Cette série culte qui voit un professeur de sciences physiques se mettre à fabriquer de la drogue une fois qu'il découvre qu'il est atteint d'un cancer. En vendant de la méthamphétamine, ce brave père de famille veut ainsi mettre sa femme et son fils en situation de handicap à l'abri du besoin. Bon, on se rend assez vite compte que c'est une fausse excuse. On a affaire à un homme qui n'attendait surtout qu'un prétexte pour devenir une ordure. Walter White ment à ses proches, vole, tue. Eh bien, vous savez qui certains spectateurs se sont mis à détester au point d'envoyer menaces et insultes ? Sa femme ! Skyler White. Selon eux, cette mère de famille est un personnage insupportable qui empêche Walter White de vraiment prendre son envol. Développer de l'empathie avec un assassin vendeur de drogue, oui. Comprendre la colère d'une mère de famille qui découvre que son mari est un salaud dealer, non. Le rapport à la masculinité sur petit ou grand écran me fascine. Par exemple, à quel moment tu peux avoir envie d'être Tony Montana dans Scarface ? Il meurt seul, sans amis et sans amour, le nez dans la coke mitraillé par des flics. Quand j'entends un rappeur se revendiquer de ce personnage, j'ai toujours l'impression qu'on lui a fait comme pour Bambi avec les enfants, on lui a pas montré tout le film. Un mec en costard qui fume des clopes, un verre de whisky à la main en regardant à travers la fenêtre, t'as des tonnes d'hommes qui vont y voir un modèle de masculinité. Alors que des fois, le scénariste est juste en train de te montrer un alcoolique qui se suicide lentement au tabac parce qu'il n'a pas le courage de le faire plus rapidement en sautant. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Comment va le champion ? Paré à aller embobiner les marchands juifs ? Vous êtes dur à supporter dès le matin, Pete. Aucune ne s'est jamais plainte. Ça me fait penser. C'est qui la souris, là ? La nouvelle secrétaire. Les nouvelles sont toujours pour vous. Vivement que je grimpe les échelons. D'où vous venez, ma jolie ? J'ai pris des cours chez Miss Deaver. Très bonne école. Mais je voulais seulement savoir d'où vous veniez. Vous n'êtes pas Amish ? Non, je viens de Brooklyn. Eh bien, si vous êtes en ville, ce serait pas un péché de montrer vos jambes. Un petit chemisier cintré, vous auriez presque l'air d'une femme. Ce sera tout, Monsieur Draper. Dites, j'ai pas fini. Je suis la petite bête qui monte. Oui, merci, ce sera tout. Peggy, c'est ça ? C'est ça. Et la réunion de 11h va commencer. J'espère que vous n'en voudrez pas à Monsieur Campbell. Il a appris des bonnes manières dans un gymnase. En 2007, Matthew Weiner fait découvrir au monde une série d'une classe folle ayant pour toile de fond la vie d'une agence publicitaire dans les années 60. Son nom, Mad Men. Mais bien au-delà de l'aspect esthétique de cette série, c'est toute la fresque d'un pays en plein bouleversement qui se tisse sur 10 décennies. Pour revenir sur le succès de Mad Men, j'ai avec moi Damien Leblanc, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste cinéma pour Trois Couleurs et Première, et vous êtes également auteur du livre Les Révolutions de Mad Men aux éditions Playlist Society. Exactement. Avec nous de retour, Océane Zerbini, bonjour. Bonjour. Vous êtes créatrice des podcasts Lemon Adaptation Club et Infusion. Exactement. De retour également. Et c'est son anniversaire. Non. Oui, c'est son anniversaire. Du coup, il est là, il frétille. Lloyd Cherry, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes journaliste culture pour Le Point et créateur du podcast C'est plus que de la SF. Tout à fait. Asseyez-vous confortablement, chers auditeurs, prenez un bon verre de scotch ou un thé vert et laissez-vous porter par l'univers élégant de Mad Men. La Commission fédérale et les magazines vous ont rendu un service. Ils vous ont fait comprendre que les consommateurs ne mordront plus aux pubs qui associent cigarettes et santé parce que elles leur feront automatiquement penser au cancer. Mais si vous ne pouvez plus parler de santé, vos concurrents non plus. Donc, on est un tas de gogos, on ne peut plus dire quoi que ce soit pour vendre nos cigarettes. Pas tout à fait. C'est le plus grand tournant dans l'histoire de la publicité depuis l'invention des céréales. Nous avons six fabricants identiques qui vendent des produits identiques. On peut dire n'importe quoi. Elles sont faites comment, vos cigarettes ? On plante des graines de tabac traitées contre les insectes sous le beau soleil de Caroline du Nord. On récolte, on sèche les feuilles, on les grille. Très bien, ça. Et puis, on y va. Lucky Strike, on les grille. Mais le tabac des autres fabricants est grillé aussi. Le tabac des autres fabricants est cancérigène. Celui de Lucky Strike est grillé. J'avoue que j'ai encore des doutes. Messieurs, la publicité repose sur une seule chose. Happiness. Le bonheur. C'était un extrait de Mad Men où on vient d'entendre Don Draper, interprété en version originale par John Hamm et en version française par Bruno Choël. Donc ma première question, Damien Leblanc, c'est comment est né Mad Men, s'il vous plaît ? Alors donc, Mad Men est une série qui est créée par Matthew Weiner. Et au départ, il a imaginé cette série vraiment fin des 90, début 2000. Il a voulu faire une série sur les années 60, l'industrie de la publicité dans les années 60. Mais il a mis beaucoup de temps avant de convaincre des chaînes. Il a un peu fait le tour de plusieurs chaînes de télé américaines. Et donc, on n'a pas accepté tout de suite son projet, mais il a été repéré par David Chase, showrunner des Sopranos, qu'il a pris pour les deux dernières saisons des Sopranos en tant que scénariste et producteur. Donc voilà, il s'est fait un peu la main sur les Sopranos. Et après... Ça va comme début. Hein. C'est plutôt honorable, oui, comme début. C'est pas mal. Il était à bonne école. Et donc, finalement, la chaîne AMC, qui est une chaîne qui était beaucoup moins connue et prestigieuse que HBO et les grandes chaînes américaines, a accepté. Donc, qui avait pour habitude de passer des films, surtout. Ouais, c'est la première série, en fait, dramatique qu'a produite AMC. Et donc, ils ont fini par lui donner le feu vert. Et la série donc a commencé, a été diffusée en juillet 2007 pour la première fois aux États-Unis. Lloyd Cherry, de quoi ça parle, Mad Men ? Alors, Mad Men, ça parle... il y a plusieurs histoires dans Mad Men, mais ça parle de Don Draper. Don Draper, c'est un publicitaire de talent. Il travaille dans une agence de pub et on va suivre ses aventures. Don Draper, ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage qui a tout d'un point de vue mondain. Il a l'argent, la reconnaissance sociale, une femme, voire des femmes, et l'alcool aussi en plus. Mais en fait, Don Draper n'est pas heureux. Et tout Mad Men va être de suivre la quête d'une personne qui va tenter de trouver un bonheur intérieur. Et ce personnage énigmatique de Don Draper, voilà, vous venez de le dire, donc qui affiche les conquêtes, qui a ses signes extérieurs de richesse, j'ai souvent l'impression que c'est là qu'il y a eu une sorte d'incompréhension sur la série, parce que rien qu'en annonçant le thème de l'émission sur les réseaux sociaux, j'ai eu des réactions du type « Oh, c'est la série préférée d'Eric Ciotti !» Pour une fois, c'est pas une thématique de gauchias, comme si Mad Men était voilà la série des conservateurs, un peu réactionnaire, c'est pas du tout ça en fait, Océane Zerbini. Non, au contraire, la série montre comment les rares personnes qui n'étaient pas conservatrices aux États-Unis ont vu leurs rêves tout simplement brisés. Je pense notamment à tout l'arc avec les Kennedy, notamment Martin Luther King. On voit toutes ces grandes figures petit à petit se faire abattre et on voit de plus en plus l'espoir d'après-guerre qui est complètement en train de s'éteindre. Et c'est une série finalement assez mélancolique sur ce qu'auraient pu être les États-Unis, mais sur ce qu'ils n'ont pas été et comment la fin de ce rêve américain a mené justement à une politique très conservatrice, notamment dans les années 80. Ce qui est intéressant, Frédéric, et vous l'avez déjà dit, c'est que en fait, il y a un double regard sur Mad Men. Ça veut dire que on peut en effet voir Mad Men comme une série nostalgique d'un temps de l'âge d'or, hein, donc le basculement dans les années 60. Et c'est aussi une série où on peut voir aussi un côté machiste, réactionnaire. Alors, soit elle le dénonce, on peut voir ça comme quelque chose qui dénonce ça, soit pas du tout. Donc, ça dépend vraiment du spectateur, en fait. Et je pense que la série est assez intelligente pour, en effet, dénoncer d'une manière très subtile. Mais c'est une série qui est subversive, en fait, Mad Men. Beaucoup plus qu'on ne le pense, hein. Damien Leblanc, Mad Men jouit d'une réputation flatteuse, artistiquement parlant, mais on la qualifie parfois d'élitiste. Quel est votre avis là-dessus? Oui, je suis pas d'accord et je pense qu'il y a un malentendu effectivement à la fois sur le fait de dire que c'est réactionnaire et donc de dire que c'est élitiste, parce que pour moi ce qui est passionnant dans cette série vraiment c'est la façon dont elle évolue. Donc effectivement les premiers épisodes ça peut sembler très réactionnaire parce qu'on voit des hommes qui sont insupportables avec les femmes, il y a un sexisme vraiment très très difficile à regarder, même dans les premiers épisodes, les hommes se permettent des remarques sur les femmes qui sont vraiment horribles, il y a du racisme, vraiment, les premiers épisodes, les personnages sont filmés de façon un peu glamour, certains ont comparé ça presque à du Wong Kar-wai, c'est-à-dire qu'il y a une esthétique très très élégante. Oui, très In the Mood for Love, avec voilà. Une sorte de défilé de robes de tailleurs différents. Ouais, un peu Antonioni aussi, enfin vraiment, donc c'est une série élégante, mais sur des personnages qui, au départ, sont vraiment machistes, sexistes. Et elle évolue au fil des saisons. Vraiment, le regard sur ces personnages devient de plus en plus intéressant, de plus en plus profond, multiple, changeant. Et du coup, je pense pas que la série soit élitiste du tout, parce qu'il y a beaucoup de références à des films, à des musiques, à des phénomènes de mode. Mais on peut ne pas les capter, ne pas les voir, et apprécier quand même la série pour justement ses personnages et la façon dont petit à petit ils vont avoir des destins romanesques vraiment passionnants, quoi. Comment avez-vous découvert la série? Alors moi, je l'ai découverte au printemps 2009. C'est-à-dire que donc ça fait déjà 2 ans qu'elle était diffusée aux États-Unis. C'est vrai qu'au début, en France, elle a mis un peu de temps à arriver. Elle est arrivée vraiment 2 ans après sur Canal+, il me semble. Oui. Et donc il a commencé à avoir un petit buzz. Et donc moi, j'ai regardé à ce moment-là, printemps 2009. Et il se trouve que bon, j'avais découvert New York l'été d'avant. J'avais été pour la première fois à New York, donc j'ai regardé ça plus au départ pour le côté comment ils filment New York, quel est le New York des années 60. Et puis petit à petit, vraiment, j'ai été pris progressivement de passion pour ces personnages et cet univers, malgré effectivement le côté un peu dur au début, brutal. Océane Zerbini. Moi, je devais avoir 16 ans et effectivement, c'était aussi sur Canal+. Et je crois que c'était lors d'une nuit de la publicité que Canal+ organisait. Et en fait, ils diffusaient le pilote qui m'avait beaucoup intriguée parce que j'en avais entendu parler dans un magazine. Et en fait, je pense qu'à l'époque, je comprenais pas toutes les subtilités, mais du coup, je me suis d'autant plus prise le racisme et le sexisme et même l'homophobie des personnages vraiment très très frontalement. Mais ça m'a fascinée parce que j'avais jamais vu de série réalisée comme ça. C'était voilà, effectivement, c'était la première série où j'avais l'impression de regarder un film et non pas une série. Et c'est vrai que quand j'ai zappé dessus, je me suis dit « Ah tiens, c'est un film !» Et j'ai réalisé que non, c'était une série. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça m'a beaucoup aidé aussi à mieux comprendre les différences entre cinéma et série. Et en même temps, c'est la série qui, à mon sens, a réussi un peu à brouiller ces frontières-là en matière de mise en scène. Loïc Thierry. Alors, j'ai découvert la série d'une manière pas très légale, donc on va pas revenir dessus. Mais j'ai découvert à 19 ans, en tout cas. Et j'avais été fasciné, ouais, par l'atmosphère, le rendu cinématographique. À 19 ans, c'est vrai que Mad Men, ça parle vraiment de sujets pour adultes. Donc, les différentes thématiques de Mad Men, j'étais assez éloigné de tout ça. Mais en tout cas, j'étais assez fasciné par le rendu très... le côté hommage aux années 50-60, que ce soit même dans les plans, dans les valeurs de plans, et dans son côté très cinéma. Et puis, tout de suite, moi, j'ai été fasciné par Don Draper, donc évidemment, qui incarnait... Il a de magnifiques vestes. Voilà, il a de magnifiques vestes, qui incarnait une sorte de fantasme masculin. Et puis, en vieillissant, je me suis rendu compte que finalement, le personnage de Don Draper, il est pas si glamour que ça. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on peut vraiment... Moi, j'ai vraiment aimé Mad Men et Don Draper comme une espèce de super-héros. Et puis, en vieillissant, on se rend compte qu'en fait, Don Draper, c'est un personnage très problématique et qui est très touchant parce que il est comme tout le monde, quoi. Mad Men, c'est d'incroyables acteurs, d'incroyables costumes, mais aussi une incroyable bande son. Notamment l'incroyable cantatrice péruvienne Ima Sumac qui interprète Gopher. Hey! jump jump jump jump jump jump jump jump jump. Bien sûr, France Inter, c'était Ima Sumac qui interprétait Gopher dans Blockbuster. Who did that? Qui a fait ça? De loin. De quoi? The pornographic drawing. Le dessin pornographique. It's a very brave person. C'est très courageux de commettre un affront pareil sans mettre de nom. Very brave person who does that. Encore plus courageux de s'adonner à ça. C'est illégal dans beaucoup d'états. I can't wait until next year when all of you are in Vietnam. Je suis pressée que vous vous retrouviez tous au Vietnam. You will be pining for the day when someone. Et qu'il n'y ait plus personne qui fasse quoi que ce soit pour vous faciliter la vie. When you're over there. Souvenez-vous bien, quand vous serez au milieu de la jungle et que les balles fuseront autour de vous. Remember, you're not dying for me because I never. Que ça me sera égal si vous mourrez parce que je vous détestais. On vient d'entendre John Harris, interprété en version originale par Christina Hendricks et interprété en version française par Marine Jolivet. Ce qui frappe au premier regard dans Mad Men, Damien Leblanc, c'est la qualité des environnements où évoluent tous les protagonistes. Et on dit souvent que c'est une reconstitution réaliste des années 60, mais j'ai l'impression qu'on passe un petit peu à côté de la théâtralité des décors. Parce qu'en fait, souvent, dans l'environnement de Mad Men, les décors ont tendance à dire ce que les personnages ne prononcent pas de manière orale. Non, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est une série qui d'abord est très très référencé historiquement, c'est-à-dire que c'est vraiment une des grandes forces de la série, c'est qu'elle est donc espace de 60 à 70, et donc chaque épisode, on sait à quel moment on sait si on est à Noël 62, à Pâques 64, donc elle vraiment, chaque épisode est très très référencé historiquement, donc il y a cette impression de côté réaliste, on se dit bah oui c'est réaliste puisque c'est vrai que à l'époque il s'était effectivement passé ça, oui Nixon avait dit ça tel jour, oh là là qu'est-ce que c'est réaliste, mais à l'intérieur de cette précision historique, c'est vrai qu'il y a un sens de l'esthétique qui est assez incroyable. Il y a un travail de décorateur qui est incroyable dans Mad Men. Il faut savoir que c'est une série qui a pas des budgets si énormes que ça en comparaison de Game of Thrones ou ou même des Sopranos qui à la fin avaient eu des gros budgets. Mad Men c'est resté des séries pas très très chères, donc mais il y avait énormément de travail, oui, sur la mise en scène, sur le placement des personnages au milieu de l'image, au milieu du cadre, quand quelqu'un s'assied dans un fauteuil à côté d'un lampadaire avec un abat-jour, ou si derrière il y a une affiche de publicité, il y a déjà quelque chose qui est en train d'être dit mais qui ne passe pas forcément par le dialogue. Ah, mais c'est une série qui visuellement est vraiment passionnante, non seulement parce qu'il y a beaucoup de références cinématographiques, enfin voilà, la série elle-même cite beaucoup de films et est réalisée, mise en scène vraiment à la manière d'un film souvent, mais effectivement moi encore une fois ce qui me fascine c'est le travail plastique, artistique et la façon dont ça évolue, c'est-à-dire que entre les premières saisons où c'est un univers assez figé, où tout est un peu à sa place, où les femmes, les personnages sont écrasés par des décors comme ça qui les enferment un peu dans le cadre. Et entre ensuite les saisons 4, 5, 6, où on avance dans les années 60, et où là, il y a de la pop, du pop art qui arrive, Warhol qui arrive. Et là, de l'extérieur, beaucoup plus d'extérieur, de l'oxygène aussi. Oui, oui, ils sortent plus, les personnages sortent plus dehors, ils vont plus à des concerts, à des choses. Donc vraiment, c'est ce côté décor qui évolue, qui change autour des personnages, c'est absolument passionnant. Oui. L'œil Thierry, C'est une fresque chorale, Mad Men, parce que c'est vrai qu'on cite souvent Don Draper comme l'élément moteur de la série, mais il y a plein d'autres personnages très intéressants dans cette série. Oui, évidemment, il y a Elizabeth Draper qui est la femme de Don Draper, qui est un personnage tragique par excellence et très intéressant. Jouée par January Jones. C'est ça, tout à fait, qui est une femme qui est assez effrayante puisqu'elle n'est pas heureuse, elle n'aime pas ses enfants. Donc c'est un personnage qui est aussi qui vraiment fait peur à certains moments. Et puis il y a surtout Peggy Olson, hein, qui en est peut-être un des meilleurs personnages de série, qui est la fameuse secrétaire qui va au fur et à mesure des aventures devenir rédactrice, conceptrice, et qui est un personnage très intéressant. Non, ce qui est drôle et dans Mad Men, c'est qu'on voit que tous les personnages incarnent des choses et des clichés, entre autres. Et puis on va voir comment ces clichés-là vont évoluer au fur et à mesure. On a parlé de Christina Hendricks, qui est en effet Joanne, donc qui est la secrétaire qui, je pense, a fait fantasmer beaucoup de spectateurs dans le show. On voit son évolution. C'est assez incroyable, puisque dans la série, en tout cas, toutes les femmes vont prendre le pouvoir tôt ou tard. Et c'est ça qui est intéressant dans Mad Men. Ça commence d'une manière, comme on l'a très bien dit, machiste, patriarcale. Et puis au fur et à mesure des saisons, on voit que les femmes vont devenir indépendantes. Et ce qui est intéressant, c'est de faire le lien entre Mad Men et la société en ce moment, enfin de ce qu'on vit en 2010-2020, le moment où Mad Men est sorti, où ça parle encore. Et ça parle toujours de notre société aussi. Océane Zerbini, j'ai eu le sentiment, en regardant Mad Men, que tous les personnages sont initialement prisonniers de quelque chose. En fait, pour moi, Mad Men, c'est la série sur le milieu carcéral où les prisonniers sont le mieux habillés. Mais, oui, mais que grosso modo, il n'y a pas une énorme différence entre Oz ou Orange is the New Black et Mad Men dans l'idée oppressante d'enfermement et d'isolation. Je pense qu'ils mériteraient tous d'aller chez le psy. Hein. Et on voit en fait dans la série qu'il n'y a que Don qui tente une thérapie et tout le reste des personnages est à la fois très, très spectaculaire dans leur tenue, dans leurs paroles en société. Et en fin de compte, ils cachent tous d'énormes blessures, que ce soit des relations qu'ils ne peuvent pas assumer au grand jour, comme Joanne et Roger, qui est mon couple préféré de la série. On voit que Don, il a une crise d'identité à travers son histoire personnelle qu'on finit par découvrir. Même Pete Campbell qui, dès la première saison, a une liaison avec la petite nouvelle. En fait, ils ont tous des secrets et ça pourrait les rendre d'autant plus antipathiques, mais la série arrive à retomber un petit peu sur ses pattes en proposant des alternatives à ces histoires-là qui font qu'on a un autre regard sur eux, et notamment Roger qui nous apparaît comme assez insupportable puisqu'il trompe sa femme avec littéralement tout le monde. Il finit par avoir un petit peu ce rôle, pas de bouffon, mais c'est un peu le comic relief de la série qui a tout le temps le bon mot et qui se révèle être le plus drôle, alors que quand on commence, on voit qu'il est très raciste, il est très sexiste. Et la série arrive quand même à humaniser des personnages où en société, nous-mêmes, on se dirait « Non, j'ai pas envie de fréquenter cette personne, non. » Damien Leblanc, le choix de faire évoluer tous ces personnages à l'intérieur d'une agence de publicité, c'est pas anodin. Surtout dans les années 60, c'est pas anodin non plus. Non, pas du tout. Et effectivement, dès le début, la série... c'est-à-dire que les personnages de Mad Men se croient vraiment très très importants. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'en faisant de la pub, ils sont les héros de l'Amérique. C'est eux qui façonnent les rêves des Américains. C'est eux qui rendent les personnes riches, parmi leurs clients, les clients de l'agence. Et on est vraiment dans les années effectivement où l'Amérique est en plein boom économique et où la consommation, ça on le voit très bien dans la série, de plus en plus de gens ont la télévision, de plus en plus de gens achètent, consomment. Et donc, eux, au départ, on les voit vraiment comme au centre de cette vie américaine. Et tout type de produits, l'agence de pub s'occupe de tout type de produits. Quoi. Il y a des maillots de bain, des voitures... Des laxatifs. Des laxatifs, merci pour le rappel. Ils s'occupent vraiment de tout et n'importe quoi. Des barres chocolatées. Et toute la série, montre l'évolution aussi un peu de leur rapport à la pub. C'est-à-dire que peut-être que petit à petit, ils se sentent peut-être de moins en moins importants dans la société. L'agence se fait racheter aussi de plus en plus par des plus gros groupes. Donc c'est vraiment un très beau portrait du capitalisme américain, on pourrait dire, et à travers les années 60. Et ça montre aussi comment la publicité, enfin comme la diversité et le fait de s'ouvrir à plus de public vient aussi un peu par opportunisme de la publicité. Par exemple, c'est Pete Campbell qui se dit il faudrait peut-être ouvrir aussi nos campagnes de publicité au public afro-américain. Il faut s'adresser aux femmes. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on voit à quel point pour eux c'est un outil en fait. C'est à la fois effectivement un peu en conviction avec leurs valeurs, puisque la plupart des jeunes publicitaires sont plutôt démocrates. Mais il y a quand même un opportunisme qui est encore présent aujourd'hui. Là, Thierry. Ce qui est intéressant, c'est que certaines marques ont réellement payé pour être dans la série. On en connaît trois. Il y en a sûrement d'autres. Hein. C'est Hilton, Jack Daniel's et Cross. Donc, c'est intéressant qu'il y ait eu un espèce de, on va dire que les publicités ont commencé à investir dans Mad Men, puisqu'en fait, Mad Men fait aussi, rend vraiment hommage à des vraies personnes. Don Draper, il est inspiré par Draper Daniels, qui est un directeur de création assez connu, puisqu'il a inventé le fameux cowboy Marlboro. Alias le Marlboro Man, qui se nomme Robert Norris et qui n'a jamais fumé de cigarette de sa vie. Mais en tout cas, Draper's Daniel a créé cette publicité Marlboro. Et en fait, Don Draper est aussi un hommage. Donc c'est vrai que il y a certains personnages qui font hommage à des vrais publicitaires de l'époque. Et à ce niveau-là, tout ce que dit Mad Men sur la pub est toujours d'actualité d'ailleurs. Mais d'ailleurs, j'y pense là, Damien Leblanc, dans votre livre, vous disiez que même Mad Men était conscient que la série serait elle-même récupérée par la publicité, notre publicité dans notre monde réel à nous. Oui, enfin, ils se sont rendus compte au fil des saisons, quand le phénomène est devenu de plus en plus grand, effectivement. Mais en fait, c'est ça. Au départ, Matthew Weiner n'était pas sûr que la série durait si longtemps, qu'elle durait sur une décennie. Et comme il a pu faire 7 saisons et 10 ans de narration, il a pu petit à petit faire évoluer ce rapport à la pub. Et donc, petit spoiler pour ceux qui n'auraient pas encore vu la série, mais la série se termine par un vrai spot de publicité qui a été créé en 71, donc qui n'est pas du tout créé par la série, qui est préexistant à la série. Et effectivement, il y a cette évolution sur le fait qu'on passe de pub fictive un peu, de pub imaginaire, à la toute fin de Mad Men, on a une vraie pub, on est dans le monde réel, limite. Mad Men entretient avec Twin Peaks un amour du spleen un peu classe. On écoute un fan de ce type d'univers, Chien Noir, qui nous interprète Échappée Belle. Des pompes, on fait dérailler les nuits. On aime les histoires de trains qui tombent. On fait tourner le monde et la lumière surgit. Un trou dans le noir, le temps d'une seconde. Puisque la nuit est belle. De bon, je garde les yeux grands ouverts dans nos échappées belles. Le feu marche avec nous, le feu marche avec nous. On rêve de longs feux, on rêve de coins ici, mais parfois même la fumée retombe. Tourner le monde, on fait dérailler les nuits. On aime les histoires de trains qui tombent. Puisque la nuit est belle, qu'on veut rien en perdre. Prends-moi cette debout, je garde les yeux grands ouverts. Dans nos échappées belles, le feu marche avec nous. Puisque la nuit est belle. Car les yeux grands ouverts dans nos échappes belles, le feu marche avec nous, le feu marche avec nous dans nos échappes. Échappée belle de Chien Noir. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour comment? sur France Inter. Toute la beauté de ce dîner, c'est qu'en vous y prenant bien, vous pouvez le pousser à vous donner toutes les réponses. Une fois, j'ai même convaincu un type de Scholl de le remplir à ma place. On prendra plusieurs verres. Non, pas vous. Vous prenez un scotch avec des glaçons, vous en buvez un peu, vous laissez fondre, et au suivant. Vous êtes très doué. Et après, vous faites comme pour un rencard. Je le flatte, par exemple. Raisonnablement. Mais je crois que le mieux, c'est d'arborer le sourire du gars qui passe une bonne soirée et de le laisser parler. Au milieu du plat de résistance, il vous confiera un truc personnel. Et une fois arrivé au dessert, vous pouvez passer à l'offensive. Lui dites que vous avez le même problème que lui, quel qu'il soit. Et ça y est. On crée une complicité, la base d'une belle amitié, entre guillemets. Et c'est là que vous ressortez le papier. Mais je fais quoi si je n'ai pas le même problème? Il n'y a pas besoin d'être psy, d'habitude ils jouent, ils boivent. C'est simple. Un jour je me suis plaint pendant 5 minutes que ma mère aimait mon père plus que moi. Je vous jure, c'était totalement impossible. Bon, c'est noté. Et si jamais par malheur, il était un peu plus réservé, il suffit d'inverser. C'est vous qui lui confiez votre petit secret. On vient d'entendre Roger Sterling, interprété en version originale par John Slattery et en français par Éric Legrand. J'aimerais qu'on parle de la figure de Don Draper et de son interprète John Hamm, le charismatique John Hamm. Et en fait, c'est un individu dans Mad Men qui n'existe initialement que par le masque. C'est d'ailleurs lié aussi au milieu de la publicité, où on est obligé de vendre une image qui n'est pas forcément celle du réel. Mais dès le début, en fait, on a comme ça un personnage qui est comme cette silhouette qu'on voit dans le générique, noir, informe, à travers laquelle on peut projeter n'importe quoi, Damien Leblanc. Oui, c'est vraiment un personnage qui est cerné par l'idée de mensonge, quoi. C'est même un imposteur, puisqu'on on apprend très rapidement dans la série que Don Draper n'est pas son vrai nom. C'est le nom qu'il a volé à quelqu'un. Il a fait la guerre de Corée dans les années 50 et donc il y a eu un mort dans cette guerre. Mais non, mais c'est très rapidement dans la série. je vais arrêter les spoilers, mais donc il a. Je vous ferai suivre le courrier. Il n'y a pas de problème. Non, mais donc son nom n'est pas son vrai nom. Il a volé l'identité de quelqu'un, ce qui lui a permis de d'évoluer dans la société plus vite, de gommer ses origines en fait pauvres et miséreuses, et surtout voilà, c'est quelqu'un qui pendant toute la série ment effectivement beaucoup. Il ment beaucoup aux femmes, il ment beaucoup à sa femme Betty, il ment à ses enfants, enfin c'est vraiment mais d'ailleurs dans cette figure et dans ce mensonge initial et ce mensonge qui permet en fait de franchir des barrières de classe. Parce que c'est surtout ça le vrai problème, c'est-à-dire que via le mensonge, il rentre dans un milieu dans lequel il est plus respecté, il a accès à plus d'argent. Ça m'a fait penser à Bellamy, en fait, à notre Bellamy de la littérature française. Il y a cette idée chez Don Draper. Oui, il y a complètement cette idée, et effectivement, ça reprend aussi des grands romans américains, comme Gatsby le Magnifique, etc. Et c'est vrai que très rapidement, le lien entre mensonge et publicité est explicité assez clairement. C'est-à-dire qu'il y a notamment dans la saison 1, Don Draper rencontre à un moment un personnage du beatnik. Donc à l'époque, c'est avant les hippies, il y a des contestataires, il y a carrément un personnage qui lui dit mais tu fabriques le mensonge, tu travailles pour la publicité, donc t'es un menteur, tu mens. Oh, c'est gauchiste. C'est voilà, et c'est vrai d'ailleurs, c'est intéressant, puisque dans la première saison, il y a cette opposition très frontale entre des anti-pubs qui lui reprochent de mentir, de fabriquer de faux besoins, et donc les publicitaires. Et puis encore une fois, au fil de la série, ça va un peu s'estomper, les oppositions seront moins frontales, moins binaires, et tout va un peu se mélanger dans les volutes des années 60. Donc c'est vraiment une série passionnante pour ça, pour la façon dont les grosses oppositions de début deviennent plus complexes, plus contradictoires. Mad Men est considéré comme une référence, mais cette lenteur et cette mise en scène qu'on peut ressentir face à certains épisodes, il y a des gens, ils n'aiment pas. Et je vais vous lire la réaction de George Lois, qui a travaillé à Doyle Dan Bernbach, une agence de publicité pendant les années 60. Et il a dit à propos de Mad Men, Mad Men n'est rien d'autre qu'un condensé de tous les stéréotypes du début des 60s, joliment regroupés pour convaincre les consommateurs que les genres de comportements moralement répugnants manifestés par les personnages est glamour et vintage. Un autre journaliste explique, Le point le plus important qui me fait dire que Mad Men a un succès non mérité est l'histoire de Mad Men en elle-même. J'entends par là que l'on peut prendre n'importe quel épisode des trois premières saisons, l'histoire sera toujours la même. Don trompe sa femme le sait, mais ne fait rien. Don fume des clopes, Don boit un verre, Don doit trouver une pub pour une marque, au final c'est quasiment toujours Peggy qui trouve le petit truc en plus qui claque. Don fume des clopes, Don boit un verre, le reste n'est qu'intrigue sans grand intérêt. Don fume des clopes, Don boit un verre. Océane Zerbini, comment, quelle est votre réaction par rapport à ce ressenti qui n'est pas isolé, hein. C'est-à-dire que moi, il y a quand même pas mal de gens qui m'ont dit « Oh, moi, j'ai jamais pu rentrer dans Mad Men, je trouve ça long, lent. » Oui, j'ai dû convaincre beaucoup de personnes qu'il fallait s'accrocher parce que c'était sur la durée qu'on comprenait les enjeux. C'est vrai que c'est une série qui demande de la patience, qui demande... il faut attendre qu'elle se mette un petit peu en route, comme n'importe quel début de série, hein, honnêtement. Beaucoup de mes séries préférées, les premiers épisodes, c'est pas foufou, parce qu'il faut trouver un ton, il faut trouver le ton des acteurs, il faut trouver les bons repères de mise en scène. Et en fait, le problème de Mad Men, c'est aussi, je pense, qu'elle a une presse tellement énorme et tellement de Emmy Awards que je pense qu'ils savent plus où les mettre chez eux, que forcément, quand c'est pas à la hauteur de ce qu'on a envie de voir, forcément on est tout de suite très très déçu. Et je pense aussi que la série, on a un petit peu souffert parce que c'est aussi beaucoup la critique qui l'a soutenue. Et c'est vrai que d'habitude c'est le public qui essaie un petit peu de créer des événements en aimant des séries, et là en fait c'est vraiment le travail des awards et de la presse qui a vraiment fait le travail nécessaire. Et à mon sens, c'est pour ça aussi que la série a duré aussi longtemps, c'est parce que c'était un des plus gros succès d'estime de la presse. Et c'est vrai que je peux comprendre que c'est une narration qui change un petit peu de ce qu'on voyait même à l'époque. Et par exemple, la série avait failli être soit sur Showtime ou soit sur HBO. Et d'ailleurs, depuis, le directeur d'HBO avait un peu les boules d'avoir finalement renoncé à la série. Et je pense que s'il avait été sur HBO, la narration aurait été totalement différente et on y aurait peut-être perdu quelque chose. Thierry. Ouais, la responsable d'HBO a été virée, hein, à l'époque, puisque ça faisait 7 ans qu'elle avait le projet, et en fait c'est AMC qui l'a fait. En fait, il y a une vraie question, puisque Matthew Weiner a hésité à un moment donné à faire une série avec un épisode et on va dire un scénario terminé comme les séries d'avant, avant Twin Peaks, on va dire, où il y avait à chaque fois un épisode se terminait sur une histoire. Et c'est vrai qu'au début, Matthew Weiner a hésité à faire ça. Pareil, ça veut dire que, mais par contre, avec ses scénaristes, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui ont été scénaristes dans Mad Men, elles étaient 7 sur 9 scénaristes, ils ont décidé d'approfondir et en fait d'aller plus loin avec les personnages. Ce qui est intéressant, on parle du côté monocorde de Mad Men, mais même dans la préparation, dans la création de Mad Men, c'était assez monocorde. Il y avait 7 jours de préparation, 7 jours de tournage. Voilà, c'était comme ça, Mad Men. Et Mad Men coûtait pas cher, on l'a dit tout à l'heure, c'était 2 millions de dollars. Mais même dans sa fabrication, il y avait quelque chose d'assez monocorde. Et c'est au fur et à mesure, d'ailleurs, de la série, que, et ce qu'on retrouve un peu avec The Wire, qui a été pareil, qui était un succès critique, ce qu'on voit un petit peu avec Succession aussi. Moi, je mets les parallèles entre les deux, la hype Mad Men et la hype Succession, elle commence un peu à peu près pareil. C'est-à-dire que la première saison, elle arrive, bon, ceux qui regardent des séries regardent, on va dire, et après, la critique s'en empare. Et c'est vrai que Mad Men, bah, c'est un peu une espèce d'anti-série. Dans un moment donné, on vit l'âge d'or des séries. Ça veut dire qu'au même moment sur AMC, il y a Breaking Bad, vous en avez parlé tout à l'heure, Frédéric. Il y a The Walking Dead également, et donc bah, y a Mad Men. Donc entre quand même Breaking Bad, Walking Dead et Mad Men, il y a une grande, grande différence. Trois salles, trois ambiances. Hein. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est qu'on dit que Mad Men est un peu la série de la décennie Obama, comme 24 heures chrono pouvait être la série de la décennie Bush. Donc c'est assez intéressant aussi, cette comparaison. Et il y a le personnage d'Elizabeth Moss qui s'est fait connaître via Mad Men, mais que le grand public connaît aussi via son rôle dans La Servante Écarlate, série qui est en train de l'épuiser à mon avis. Mais elle aussi, elle est véritablement centrale dans Mad Men, et je trouve qu'elle a une sorte de parcours qui est une parallèle de celui du personnage de Christina Hendricks, Joan. Mais c'est des parcours parallèles, mais en même temps avec des singularités assez intéressantes sur le parcours de femme, en fait, entre l'accomplissement professionnel et même le rapport à la maternité. C'est aussi un autre élément très marquant de Mad Men, c'est qu'il y a énormément de parents qui ne sont pas heureux de l'être et qui même refusent de l'être, tout simplement, Damien Leblanc. Mais c'est vrai que Joan et Peggy sont vraiment deux personnages extraordinaires. C'est quasiment les deux personnages féminins les plus importants de toute la série. On les voit dès le début. En fait, dans le premier épisode, Donc Peggy arrive, elle fait ses débuts dans l'agence de publicité, voilà, machiste, et elle se fait un peu introniser par Joan, qui est la chef des secrétaires, et ils ont pas du tout le, à ce moment-là, le même rapport aux hommes, le même rapport à la séduction, le même rapport à ce qu'on accepte ou ce qu'on n'accepte pas de ce machisme ambiant. Et petit à petit, elles vont faire chacune un chemin différent. Peggy va devenir voilà, une rédactrice importante dans l'entreprise. Joan va avoir un chemin un peu différent, mais tout aussi libérateur, et elle va arriver vers l'autonomie. Donc c'est deux personnes vraiment en miroir très intéressant. Et effectivement, il y a la question de la maternité, parce que ces deux personnages vont avoir un enfant à un moment donné, donc on va pas trop spoiler, mais c'est des scènes à chaque fois extrêmement fortes dans le choix. Est-ce que je garde ou non l'enfant? Est-ce que j'accepte de faire un enfant qui n'aura pas de père, que je devrais élever seul? Est-ce que je l'abandonne ou pas? Et vraiment, la série reste encore très très moderne de ce point de vue-là, sur la question des femmes. Aux États-Unis, il y a eu un retour sur le droit à l'avortement ces dernières semaines. On pourrait regarder Mad Men, série qui pourtant se passe dans les années 60. Aujourd'hui, vraiment, on regarde de ce recul qui a eu vraiment dramatique. Et vraiment, c'est presque des femmes d'aujourd'hui, Joan et Peggy, dans les questions qu'elles se posent sur avoir un enfant ou pas, avoir ma liberté ou pas. Voilà. On arrive bientôt vers la fin de cette émission, mais avant cela, on écoute la magnifique chanson de Jonathan Jeremiah, Horsepower for the Streets, dans Blockbuster sur France Inter. Come bring it, brother, should you need it. I'll put your new rhythm for your spirit. All will be getting wild by the minute. Chambers of the breeze. Horsepower for. What it means is you got my devotion. How you face it all hot, wide open. It's your love up and setting these wheels in motion. Got me galloping full speed. Who's power for the streets? Sisters, if you need it, I've got your new rhythm for your spirit. Cause it's a wild world, that's why I'm sending it. My love, harmony. Horsepower for the Streets, Jonathan Jeremiah. Je sais que vous voulez Western Union pour la fin de l'année. I don't have art. J'attends les illustrations. There's no one there. Il n'y a personne au département graphique. They're selling the company. Ils vont vendre la boîte. Again? Encore? I'm starting a new agency. Je monte une nouvelle agence. I need you here Sunday. Dimanche soir, vous viendrez chercher vos affaires et nous aider à prendre ce qu'il faut pour les comptes qu'on va emmener. Really? C'est sérieux? Who else is going? Qui d'autre vous suit? Why do you need to know that? Pourquoi vous voulez le savoir? Because it is Parce que je trouve ça important. I can't tell you. Je peux rien vous dire. Peggy, we are being bought by Peggy, vous comprenez ce que ça implique d'être racheté par McCann? You just assume I'll do vous croyez naturellement que moi je vais vous suivre. Just follow. Que je vous obéirai sans discuter. Comme un gentil petit chien. I'm not gonna beg you. Je ne vais pas vous supplier. Beg me, you didn't even ask. Vous pourriez au moins me le demander. Fine. Parfait. I'm asking you. Je vous demande de venir. J'ai eu d'autres propositions, figurez-vous. Quelqu'un m'a dit qu'il voulait m'offrir la chance que je méritais. Tout le monde croit que c'est vous qui faites mon travail. Even you. Y compris vous. Et je ne resterai pas toute ma vie la carpette que vous gardez juste pour lui reprocher vos échecs. Il va falloir que j'appelle Curtis Smithy. On dirait oui. Peggy Olson, interprétée en version originale par Elisabeth Moss et interprétée en français par Anne Dolan. Elisabeth Moss qui en fait a une sorte de schéma de carrière pro-féministe qui est absolument incroyable quand on y réfléchit, parce que quand elle joue dans un film, c'est Invisible Man où elle dénonce les violences faites aux femmes, La Servante Écarlate, le parcours qu'elle a dans Mad Men, c'est là pour le coup on a vraiment une warrior de l'acting, de tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Mais... D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai découvert à la Maison Blanche d'Aaron Sorkin en début d'année, et elle joue la fille du président qui essaie d'un peu de gagner sa liberté en essayant de sortir avec le plus de garçons possible, en essayant un peu de désobéir à son père qu'elle aime pourtant de tout son cœur. Et c'est vraiment très cohérent dans sa filmographie d'enchaîner à la Maison Blanche avec Mad Men, et c'est assez touchant de la voir grandir justement. Et effectivement, je suis d'accord que en Mad Men, il faudrait peut-être que ça s'arrête. Et Lloyd Cherry, là on a parlé de Christina Hendricks, on a parlé d'Elisabeth Moss, et il y a ce personnage de January Jones qui joue donc l'épouse de Don Draper, qui pendant un moment pouvait faire penser qu'elle allait avoir une carrière, qu'elle allait enchaîner plein de rôles, et j'ai l'impression que ça s'est un petit peu arrêté d'un coup. Comment on explique ça ? Je crois qu'être une femme à Hollywood, c'est pas évident. Et on voit que c'est compliqué quand on a été un personnage iconique d'une série d'arriver à rebondir. C'est le cas de pratiquement tous les personnages de Mad Men, à part l'actrice qui fait Peggy Olson. Quasiment tout le monde a un peu plus ou moins disparu, sauf Jon Hamm qui a encore des petits seconds rôles. Mais on voit qu'ils sont indignes de son talent, parce qu'on le voit faire un second rôle dans Top Gun, dans le dernier Top Gun. C'est la malédiction des séries. Hein. C'est une fois que t'as joué dans une série qui s'est imposée, soit d'un point de vue critique ou public, c'est extrêmement compliqué de rebondir. Et on le voit pour January Jones, qui est une super actrice, vraiment, qui a en plus un rôle pas évident puisque c'est la pire femme de la série, plus ou moins, celle que en tout cas les spectateurs aiment bien détester, alors que c'est un personnage qui est vraiment intéressant, d'une personne qui n'est pas heureuse comme Don et qui va essayer de tendre à être heureux. Et c'est vrai que c'est la grande difficulté qu'on a fait une série ou même une franchise cinématographique culte d'arriver à rebondir. Il y a plein d'exemples, rien que dans Star Wars, Mark Hamill, il n'a pas fait grand chose après. Après, il n'avait plus non plus besoin de faire grand-chose. C'est ça. Damien Leblanc, pour revenir sur le cœur de Mad Men, c'est une série qui intègre des grands moments historiques, mais aussi elle a intégré l'évolution des droits civiques, de la communauté noire. Et comment ça s'est pensé et comment ça a été montré à l'écran ? Alors oui, c'est quelque chose de très important dans la série. C'est vraiment ce lien permanent qui est fait entre l'intimité des personnages, leur vie vraiment privée, personnelle, professionnelle, amoureuse, et les grands événements américains. Et c'est quelque chose qui, dès la saison 1, il y a l'élection de Kennedy, alors que les chefs de l'agence sont plutôt pour Nixon, sont plutôt réactionnaires, et les petits jeunes sont pour Kennedy. Donc voilà, dès la saison 1, ils ont vu que ça marchait bien, ça, que ça plaisait bien, ça fonctionnait bien, et petit à petit, ça se fait de plus en plus. Et alors, pour chaque événement historique, il y a une façon différente de le traiter. Il y a une grande invention, un grand invité des scénaristes, effectivement. Il y a un super travail narratif. C'est vraiment une série extrêmement bien écrite, Mad Men. Et par exemple, voilà, il y a un des plus beaux épisodes, celui de l'assassinat de Kennedy, où vraiment c'est vers la fin de la saison 3, et donc c'est l'épisode où Kennedy se fait assassiner à Dallas, et là, ça fait penser au 11 septembre déjà, donc est-ce que t'es contemporain, on suit les personnages qui, leur monde s'écroule. Vous étiez à ce moment-là? Non. Non, c'est-à-dire c'est... Ah oui, pardon. C'est dans la série. Oui, non, mais voilà, non, mais... C'est-à-dire que vraiment, il y a un espèce d'écroulement pour les personnages, et notamment le couple entre Don et Betty trouve sa fin, en fait, avec cet événement traumatique pour les États-Unis, et c'est, en termes de mise en scène, d'écriture, c'est vraiment un moment de cauchemar pour l'Amérique. Et de la même façon, Martin Luther King, le premier discours qu'on entend, le fameux « I have a dream », c'est un moment très intéressant aussi, où Don Draper est en voiture avec sa maîtresse, on entend la voix à la radio un peu de loin, comme si c'était quelque chose qui leur parvenait d'un monde ancien, comme un rêve presque, un monde parallèle, qui va prendre de plus en plus de place, qui va devenir dans la série de plus en plus important. La question des Noirs, la présence des personnages noirs va devenir de plus en plus grande à partir de ce moment-là. Donc il y a vraiment beaucoup de façons inventives dans la série de croiser comme ça destin intime et histoire, grande histoire. Et il y a un adage qui dit qu'ensemble on est plus fort, mais dans Mad Men on a l'impression que tous les moments de collectif, c'est souvent l'occasion pour les personnages de se rendre compte à quel point ils sont seuls. C'est-à-dire que dès qu'il y a une fête, dès qu'il y a un anniversaire ou tout ça, c'est alors que c'est censé être une liesse populaire, les gens sont renvoyés à une solitude mais incroyable. Je repense à cette scène où on a Johan qui est dans une boîte de nuit avec son ami qui s'est trouvé quelqu'un à embrasser, et on la voit vraiment elle toute seule, totalement isolée, sans amour, sans rien, à côté de son ami qui en profite, avec une chanson de Gainsbourg en plus en fond, et ça exprime très très bien à quel point elle est complètement seule. Et pourtant la série la vend quand même comme une femme assez attirante, assez désirable, et là on voit à quel point même pour elle ça ne suffit plus, et on se demande aussi si elle-même en a envie. C'est autant une envie de solitude, elle est autant subie que parfois on sent aussi qu'ils en ont envie, qu'ils ont envie de se libérer de toutes les contraintes sociales pour se retrouver tout seul. Et c'est ce que fait Don à la fin de la série, c'est-à-dire qu'il envoie tout balader. Il décide de prendre sa voiture et le dernier plan où on le voit, il est vraiment tout seul, sans personne autour de lui, et on le voit heureux en train de sourire. Et on a fait un parallèle avec The Wire, avec d'autres séries très pensées, très mises en scène. Mais j'ai l'impression en fait que la série héritière spirituelle, j'entends, de Mad Men, aujourd'hui, je vois difficilement une autre série que Better Call Saul dans sa manière d'agencer les personnages les uns par rapport aux autres, d'avoir une théâtralité dans les bureaux, les échanges, les silences. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une sorte de filiation entre les deux, alors que pourtant c'est le spin-off, la série dérivée de Breaking Bad. Des fois on a l'impression que Better Call Saul est presque une série dérivée de Mad Men. Bah, il y a peut-être un peu de ça, mais il faut savoir aussi que Mad Men et Breaking Bad viennent tous les deux de la chaîne AMC, ont tous les deux commencé à peu près en même temps, donc c'est des séries un peu jumelles. Mais je dirais peut-être que la grande héritière, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est peut-être Succession, plutôt la série Succession, je pense, doit pas mal à Mad Men, sur le fait de mélanger comme ça entreprise, capitalisme, New York, des personnages qui ont des destinées tragiques. Succession, je pense, c'est une bonne héritière. Et puis pour revenir sur la solitude très vite, on le voit avec le générique qui a été créé par Jeremy Cox, qui a été primé aussi aux Emmy Awards, avec cet homme qui tombe, et c'est la transition entre les années 50 aux années 60, avec cet homme qui tombe et qui, voilà, dans une nouvelle époque, qui tombe seul malgré les femmes et l'alcool qui ne le rattrapent pas. Un générique qui rend aussi hommage à Saul Bass, qui était le graphiste de Vertigo ou encore de Autopsie d'un meurtre d'Otto Preminger. Merci Lloyd Cherry pour ces précisions. C'est la fin de cette émission. Damien Leblanc, Océane Zerbini, Lloyd Cherry, merci beaucoup. On remercie également Clément Berman à la technique et Alexandre Chenet au mixage. Je vous rappelle que le lundi 22 août, dans le cadre d'un partenariat entre France Inter et OCS, sera diffusé au cinéma Le Grand Rex à Paris le premier épisode du préquel de Game of Thrones, House of Dragons. Vous pouvez gagner 2 places en répondant à la question suivante. Quel est le nom du loup géant qu'Aria est contrainte d'abandonner? Je répète, quel est le nom du loup géant qu'Aria est contrainte d'abandonner? Votre réponse au 01 56 40 30 20. N'oubliez pas de laisser votre nom et vos coordonnées. La première bonne réponse gagnera 2 places pour cette avant-première. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'un homme nous invite à déjeuner, il s'imagine qu'on est le dessert? Oui, c'est terrible. C'est sans arrêt, du matin au soir. C'est pas comme ça, là d'où je viens. On a des manières. Ils ne peuvent pas me laisser tranquille. Ma grande, je ne te connais pas très bien. Mais c'est ça d'être la nouvelle, et quand on n'est pas formidable, il faut en profiter pendant que ça dure. Lundi prochain, le jeu de la mort, la fureur de vaincre, Opération Dragon. En un temps record, il a popularisé les films d'arts martiaux au niveau mondial. Mais son plus grand combat et sa plus grande réussite aura été celui d'imposer aux yeux d'Hollywood qu'un immigré chinois pouvait être aussi une légende du cinéma. Lundi, Bruce Lee sera dans Blockbuster. France Inter.